Bonjour, Félix Gray sur Radio Shalom, 1650 AM à Montréal. Radio Shalom. Arrêt sur Média, un média qui parle des médias sur Radio Shalom Montréal au 1650 AM ou sur internet au www.radio-shalom.ca avec Éric Leray et Edmond Silbert. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Vous êtes sur Arrêt sur Média, un média qui parle des médias. Une émission d'information sur les professionnels et les industries de la communication et de l'information. Vous pouvez nous joindre sur Radio Shalom au 1650 AM ou sur internet au www.radio-shalom.ca lors de la diffusion de l'émission ou grâce aux archives de l'émission. Alors que dernièrement, on avait reçu Pascal Beauchesne de Robert Neveu-Palière. Là, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Serge-André Guay, président éditeur de librairie en ligne sur Internet avec impression à la demande de Fondation littéraire Fleur de Lys. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir, de nous accorder un peu de temps parce que vous êtes très occupé, j'imagine. Alors, d'abord, avant de parler de Fondation littéraire Fleur de Lys et des services que vous offrez et puis de votre point de vue sur le marché d'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a amené d'abord présentez-vous, enfin, qui êtes-vous et comment vous êtes arrivé à vous intéresser au métier de libraire et à la littérature, enfin, tout ce qui est lié à la... En fait, c'est très simple, j'écris depuis toujours. Okay. Alors, celui qui écrit côtoie par le fait même le monde de l'édition, le monde du livre. Et j'ai été au fil des années d'abord un employé de différents médias au Québec et en Ontario. Ah ouais? Okay. J'ai fait du journalisme, j'ai été rédacteur en chef, chroniqueur. Ensuite, j'ai créé ce qu'on appelait le Club d'initiation aux médias, qui est un organisme d'éducation aux médias, qui s'inspirait, c'est-à-dire à l'époque, en 1982, de l'expérience Jeune téléspectateur actif en France, qui était moussée à la fois par l'Association des réalisateurs et l'UNESCO. De 82 à 87, donc, on a animé des séminaires, des ateliers, des conférences dans les écoles pour développer le sens critique des jeunes face aux médias, y compris la télévision, la radio. On en a parlé la dernière fois, c'est très important, effectivement. Ouais. Oui, c'est très important. Savoir choisir parmi cette myriade de médias. Exact, c'est encore plus important aujourd'hui parce qu'il y a d'autres médias qui se sont rajoutés. Ensuite, j'ai fait le saut dans l'entreprise privée comme conseiller en communication et en marketing. J'ai fondé également par la suite ma firme de recherche spécialisée en marketing, l'étude des motivations d'achat des consommateurs. Et finalement, en l'an 2000, comme pour plusieurs, j'ai voulu faire le point. Et j'ai fait le point en écrivant un livre qui s'appelle « J'aime penser ». Et en quelle année c'était? En 2000. Et ça, c'était quelle maison d'édition? La vôtre ou... Non, c'était, je l'ai écrit, je l'ai soumis aux maisons d'édition traditionnelles. J'ai fait essuyer comme 90% des autres manuscrits. Le mien a essuyé des refus. Et c'est là que j'ai pensé me lancer dans l'édition, c'est-à-dire d'éditer ce livre-là moi-même sur Internet. Je me suis très vite rendu compte que c'était une tâche ardue pour un auteur tout seul à cette époque-là, au début des années 2000. C'est plus facile aujourd'hui, on le sait, mais à cette époque-là, avoir un site marchand, etc., c'était des options qui étaient plutôt difficiles à gérer pour un néophyte. Et c'est là que on parle de quelle année, là? On parle de 2000. Oui, donc c'était vraiment le début. Enfin. Exactement. En 2002, donc, on a réalisé une étude de marché pour voir qu'est-ce que ça donnerait l'édition en ligne, la cyberédition. Et suite à cette étude de marché-là, on a publié un site Internet d'information où les auteurs intéressés pouvaient se manifester. Donc, j'ai ouvert mon projet d'édition très personnel à la collectivité. Ensemble, je me suis dit qu'on pouvait se donner les moyens d'agir. Et c'est ce qui est arrivé, effectivement. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes pionnier dans ce domaine-là? Parce que quand même, 2000, enfin, la réflexion que vous avez dans cette époque-là, c'est quand même assez nouveau, non? C'est au Québec, il n'y en avait pas de maison d'édition formelle. Il y en avait eu une qui, malheureusement, avait dû fermer ses portes. Ça n'avait pas fonctionné. C'est le projet. Laquelle, on se rappellera? C'est quoi? Je ne me souviens pas du nom c'était exact. À Montréal, non, ou c'était à Montréal, ici même. Oui, je pense que c'était Jean-François Gagnon qui s'occupait de ça, qui avait lancé le projet, mais ça n'a pas fonctionné. Il n'y avait pas un bon modèle de présentation. Je pense qu'il n'y avait que de la publication en ligne sur le site Internet même de la maison d'édition. Et on peut parler d'édition de livres, mais publier un texte sur Internet, c'est une chose, le rendre accessible sur un site, mais publier, en faire de ce texte-là un livre, c'est autre chose. Mm-hmm. Et dans cette optique-là, la Fondation littéraire Fleur de Lys était vraiment la première à offrir à la fois l'édition numérique et l'édition papier imprimée à la demande. Donc, en fait, ça vient d'abord d'un besoin personnel d'auto-édition, et puis vous êtes aperçu que c'est quelque chose que, en fait, ça concernait tout le monde, quoi. Ça concerne, en tout cas, les auteurs dont les manuscrits sont refusés au départ. Ouais. Par la suite, ça concerne les auteurs qui ne veulent pas soumettre leurs livres aux maisons d'édition traditionnelles. Il y a de plus en plus d'auteurs qui ne veulent pas suivre le processus traditionnel de l'édition, soit parce que le livre est trop personnel, soit parce qu'ils ne veulent pas attendre des mois et des mois pour avoir une réponse. Des mois ou des années, parce que... Vous savez, quand vous écrivez aujourd'hui, ça prend beaucoup de courage si vous visez l'édition traditionnelle, quand on sait que plus de 90% des manuscrits sont refusés par nos éditeurs, souvent pour des critères commerciaux et non pas pour des critères de qualité littéraire. Ouais. Alors, l'auteur a beaucoup de courage aujourd'hui d'écrire, alors il fallait un peu comme démocratiser l'accès à l'édition, et c'est exactement ce que fait le cyber-éditeur, il démocratise l'accès à l'édition. Alors justement, vous parliez d'un rapport, vous avez commencé à réfléchir, donc à organiser une réflexion dans les années 2000 donc sur ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on avait tiré à l'époque? Qu'est-ce que vous aviez tiré comme conclusion de cette étude? Eh bien, c'était l'avenir. C'était carrément l'avenir de l'édition dans une optique de renouveler le catalogue éditorial, parce qu'effectivement, l'éditeur en ligne ne courant pas les mêmes risques que l'on trouve dans l'édition traditionnelle, il peut avoir une politique éditoriale beaucoup plus large. Mm-hmm. Il n'est pas contraint à des critères commerciaux aussi sévères que le sont les éditeurs traditionnels. Il n'y a pas les pourcentages où il ne doit pas acheter un certain nombre d'exemplaires avant même de l'avoir publié, ou tout un tas de contrats qui sont assez discutables. Exactement. Dans cette optique-là, la réflexion nous a mené à une étude de marché, nous a mené à la publier en ligne, cette étude de marché-là, à l'accompagner d'un sondage auprès des auteurs, leur demandant quelle sorte de politique éditoriale ils souhaitaient, quelles étaient les redevances qu'ils souhaitaient, quel type de contrat, quel type d'entreprise, une entreprise privée, une entreprise sans but lucratif, etc. Alors, le choix des auteurs s'est tourné vers la Fondation littéraire Fleur de Lys, c'est-à-dire un organisme sans but lucratif dans lequel ils peuvent s'impliquer dans la prise de décision, dans l'orientation de la Fondation. Alors, racontez-nous, c'était la création de... On vient de voir éventuellement votre raison personnelle, là, mais comment est arrivé à créer ça et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour créer cette fondation? La principale difficulté, ça a été la mise de fonds. On est parti avec rien parce qu'effectivement... Là, on parle de quelle année? On parle de... officiellement, le site Internet de la Fondation a été mis en ligne en juin 2003. OK. On a recruté 125 auteurs dans les 6 premiers mois, 125 auteurs qui appuyaient le projet. Mm-hmm. Et on a décidé de lancer, d'éditer les premiers livres en décembre 2003. Mm-hmm. En fait, les auteurs voulaient, certains, sortir leurs livres avant la période de Noël des fêtes. Mm-hmm. Alors, dans ce contexte-là, la Fondation... Elle a innové, mais sans le support du milieu, d'abord. Oui, c'est ça. Il y a une certaine réaction. Le milieu est resté silencieux parce qu'on voulait faire de ce projet un projet national. Comme il n'y en avait pas et qu'on pensait que dans le marché québécois, il n'y en aurait pas des dizaines et des dizaines de cyber-éditeurs, mais qu'il valait mieux en avoir un et un en bonne santé. On avait donc proposé à tous les organismes, tous les intervenants de la chaîne traditionnelle du livre allant de l'Association des écrivains de l'UNEC, aller jusqu'à l'Association nationale des éditeurs de livres en passant par l'Association des libraires, on leur avait proposé d'appuyer le projet. Mm-hmm. Et la plupart des intervenants sont restés silencieux. Je serais porté à dire bouche bée devant le projet. Quant à la société... Par ignorance ou par peur ou au contraire par conflit d'intérêt? Je ne sais pas encore aujourd'hui pourquoi ils n'ont pas réservé l'accueil auquel on s'attendait à ce projet-là. Pourquoi ils n'ont pas fait de ce projet-là un projet national avec nous. Mais effectivement, il y avait peut-être une peur de l'Internet, une peur des nouvelles technologies, une peur de se voir débalancé par ce nouveau marché-là qui peut-être leur enlèverait de la clientèle, leur enlèverait des ventes. Mais c'est peut-être aussi parce que l'Internet, la littérature sur Internet au Québec n'a pas très bonne réputation. Les maisons d'édition traditionnelles soutiennent qu'elles sont les seules à pouvoir offrir une littérature de qualité. Est-ce qu'il n'y a pas, et ça c'est intéressant là, est-ce qu'il n'y a pas un problème de crédibilité? On va dire que le papier c'est crédible, c'est légitime, alors que l'électronique c'est encore populaire ou c'est vulgaire ou c'est... On retrouve un peu le même débat au 19e siècle quand on voit arriver la presse populaire par rapport à la presse, vous savez, de par abonnement. Ce côté un peu, puis l'image, enfin, faut rappeler quand même qu'au 19e siècle, il y avait que les nobles qui écrivaient parce qu'on considérait que l'écriture n'était pas un travail. Ouais, donc, les journalistes, c'était essentiellement des anciens hommes. Mais, enfin, bon, est-ce qu'on ne retrouve pas un peu ce mépris par rapport à la culture populaire un peu? Je ne sais pas si c'est un mépris face à la culture populaire en tant que telle, parce que je ne serais pas porté à dire que nécessairement ce qu'on retrouve sur Internet, c'est de la littérature populaire. Ah, mais je ne dis pas que ça, mais je dirais qu'on applique cette catégorie de réflexion. C'est-à-dire que le meilleur exemple qu'on a pour exprimer leur attitude, l'attitude du milieu traditionnel du livre, c'est un livre qui a été écrit par Pierre Sanson. Un roman qui s'intitule Catastrophe, qui relate un peu ce qui se passe à l'intérieur de la chaîne du livre. Et entre autres, on a une seule phrase avec le mot Internet dans ce livre-là. Et dans cette phrase-là, c'est et que seul l'Internet accepte désormais de publier en parlant d'un auteur qui est refusé. Alors, c'est un peu l'attitude. Comme si l'Internet, c'est une coche en dessous, c'est bas de gamme. Il y a un certain mépris. Dire qu'on est publié sur Internet, c'est pas une belle chose. Alors, c'est la réputation qu'on a donnée à cela. Ouais. Pourquoi? Il y a des intérêts corporatistes, effectivement. Et puis, il y a aussi une crispation, éventuellement, culturelle sur un support qu'est le papier, où là, on voit des réflexes outre corporatifs, comme vous soulignez, tout à fait, mais il y a aussi un réflexe culturel, quoi, le papier. Là. On voit dans le domaine universitaire, publié sur Internet avec lulu.com, pour une revue ou une démarche universitaire, comme par exemple une thèse de doctorat, c'est très mal vu encore. Enfin, ça commence avec Érudit, par exemple, la société d'Érudit, on commence depuis quelques années. Il y a un travail de fond à l'Université de Montréal, par exemple, de fait sur la publication sur Internet, mais ça a été très dur. Parce que publier dans le domaine universitaire aujourd'hui, si vous n'avez pas publié sur fond de papier, c'est pas très reconnu. Je pense que c'est plus qu'une question de papier à ce niveau-là. On a dans la cyberédition l'impression papier à la demande. Alors on a aussi le livre papier. Je pense que c'est une question à savoir est-ce qu'un livre est un livre sur Internet. Et on est encore à se le demander au Québec. Et pis encore, c'est que la loi sur le développement des entreprises dans le domaine du livre au Québec spécifie qu'un livre, pour être un livre, doit se retrouver en librairie. Okay. Alors, quand un livre n'est pas en librairie et qu'il se trouve sur Internet, on a des doutes. On fait une première pause et on revient là-dessus, parce que c'est très important. On revient dans quelques instants. Arrêt sur Média, un média qui parle des médias sur Radio Shalom Montréal au 1650 AM ou sur internet au www.radio-shalom.ca avec Éric Leray et Edmond Silbert. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour, vous êtes sur Arrêt sur Média, un média qui parle des médias, une émission d'information sur les professionnels et les industries de la communication et de l'information. Vous pouvez nous joindre sur Radio Shalom au 1650 AM ou sur internet au www.radio-shalom.ca lors de la diffusion de l'émission ou grâce aux archives de l'émission. On recevait il n'y a pas longtemps Pascal Beauchesne de Robert ne veut pas lire et aujourd'hui on reçoit avec plaisir Serge-André Gay, président éditeur de la Fondation littéraire Fleur de Lys qui donc édite en ligne sur Internet mais aussi à l'impression et à la demande. Alors là vous, donc les auditeurs n'ont peut-être pas entendu mais enfin pour ceux qui étaient là avec nous avant vous commenciez à aborder, est-ce que le livre est encore un livre sur Internet? Ça c'est une question importante. Effectivement, au-delà de la dimension du papier ou savoir si c'est crédible ou légitime en fonction des critères scientifiques ou pas, c'est de savoir, effectivement, est-ce que considère que l'écriture sur Internet est encore une écriture, qu'on appelle le livre. Alors, quelle est votre opinion là-dessus? Bien sûr que l'écriture sur Internet est une écriture livresque. C'est au départ un travail d'auteur. Un auteur décide s'il écrit un livre ou s'il écrit une page sur un site Internet. C'est pas du tout la même chose. Il le sait au départ. Alors, la matière première qu'on retrouve sur Internet et celle qu'on retrouve dans les librairies traditionnelles, c'est la même. C'est uniquement une question de sélection parmi cette matière première. Mm-hmm. D'un côté, comme je le disais, il y a les éditeurs traditionnels qui refusent plus de 90 % des manuscrits. Et de l'autre côté, il y a les cyber-éditeurs, les cyber-éditeurs qui font à la fois du numérique et de l'impression à la demande pour la plupart aujourd'hui parce qu'il y a une demande pour le livre papier. Vous êtes un cyber-éditeur, Fondation littéraire Fleur de Lys, vous êtes un cyber-éditeur. Exactement, oui. Et de ce côté-là, l'offre diffère. Mais l'offre est différente parce que notre choix est différent. Mais la matière première, les manuscrits que nous recevons seront souvent les mêmes que les éditeurs traditionnels reçoivent, qui, eux, pour des raisons X, Y, selon leur politique éditoriale ou leurs critères de sélection, les refusent. Et nous, pour des raisons qui nous sont beaucoup plus larges, parce que le risque financier est moindre, mm-hmm. parce que les critères de sélection commerciaux n'ont pas à s'appliquer mm-hmm. dans la démocratisation de l'accès à l'édition, alors on accepte ces manuscrits. Mais dans l'industrie traditionnelle du livre au Québec, on a pris un retard épouvantable au niveau du numérique. On commence à peine à faire de la numérisation. Oui, on va rappeler aux éditeurs que c'est seulement en février 2009, donc l'ANEL, l'Association nationale des éditeurs du livre du Québec, a créé un accord avec la société de marque pour créer un entrepôt numérique et donc numériser de façon large donc les fonds numériques des libraires ou des éditeurs. Alors, par contre, on va aborder quelque chose d'assez important parce que vous dites que la dimension commerciale intervient moins dans le choix des ouvrages. Mais il se pose un problème quand même. Est-ce qu'on peut en vivre? Est-ce qu'on peut en vivre? Est-ce que l'éditeur traditionnel pourrait vivre sans aucune subvention? Oui. Voilà, c'est la même réponse. Donc ça veut dire qu'en fait, au Québec, la plupart des éditeurs ou libraires ne vivent que grâce aux subventions? Ben, ils vivent grâce à... Ou alors il faut être québécois, c'est-à-dire avec un groupe derrière, avoir les moyens financiers de perdre de l'argent dans le domaine du livre, quoi. Oui, mais encore là, il y a des magazines, comme le magazine 7 jours, qui recevait, il n'y a pas si longtemps, il n'y a pas un si grand nombre d'années que cela, encore une subvention de plusieurs centaines de milliers de dollars par année. Puis par le gouvernement du Québec? Par le gouvernement du Canada, parce qu'on a les deux gouvernements qui interviennent dans le monde de l'édition. Les éditeurs eux-mêmes, les libraires eux-mêmes vont vous dire qu'ils ne survivraient pas sans les subventions, sans le système de réglementation d'office, sans le système de réglementation d'achat dans les librairies agréées. Oui, si on parle par exemple de la loi de Niveau-Joie dans 70, la loi de 70, je crois que c'est ça. Exact. 70, il y avait un chiffre là. Oui, mais la date exacte, je l'ai passée dans les années. Mais la loi exactement, on appelle ça la loi 70 ou 79 Elle est devenue la loi sur le développement des entreprises dans le domaine du livre aujourd'hui. Alors, je crois qu'on va creuser la question parce que ça me paraît important. Peut-être qu'on n'aborde pas ça suffisamment. En Bretagne, moi qui suis d'origine bretonne, on dit souvent qu'une culture subventionnée n'est pas vraiment une culture. Alors allons-y, avec peut-être un peu de provocation, mais enfin, est-ce que le monde du livre, le monde des médias, qui est quand même un support essentiel à une langue et à donc à une existence d'une culture, on l'a vu ça en Bretagne pour la langue bretonne. Est-ce que, éventuellement, vous dénoncez une subvention qui pourrait, en fait, créer une sorte de paravent qui ne montrerait pas la réalité de la culture québécoise francophone au Québec qui est donc en danger? Ou est-ce que, au contraire, il faudrait laisser libre le marché pour avoir une vraie relation à une vraie culture? Enfin, je veux dire, quel est le problème exactement de la subvention, outre le fait que ça ne permet pas de faire vivre des éditeurs sans cette subvention? Qu'est-ce que ça révèle? Les éditeurs sauraient sans doute vous dire que sans cette aide gouvernementale dans un si petit marché, parce que c'est l'argument de base, on dit que le marché québécois est trop petit pour pouvoir laisser le marché à lui-même et laisser le marché décider. On voit ce qui se passe dans le domaine des librairies où les chaînes et les librairies indépendantes se font racheter, l'une se fait racheter par l'autre et souvent, quand ça fonctionne pas, la librairie indépendante doit fermer ses portes. Non, moi, je ne suis pas contre un système de subvention. Je suis au contraire qu'on encourage la culture par ce moyen-là. Ça ne me dérange pas du tout. Mais qu'on définisse dans la loi du livre que le cyber-éditeur n'est pas un éditeur, qu'il y a seulement que la chaîne traditionnelle du livre qui peut passer, c'est qu'on limite passablement cette industrie du livre. Et on parle de l'industrie du livre, on ne parle pas nécessairement du patrimoine littéraire. L'industrie, l'industrie du livre édite moins de 10 % des écrits de nos auteurs. Alors, si on veut avoir une image plus complète, une image réaliste de la littérature au Québec, aujourd'hui, on peut aller sur Internet et trouver des ouvrages québécois qu'on ne trouvera, qui sont exclusifs, qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. La Bibliothèque nationale du Québec et la Bibliothèque nationale du Canada, de par les lois sur le dépôt légal, eux aussi offrent un certain portrait qui est différent de celui qui se limite à l'industrie du livre. Mais il ne faut pas limiter cette industrie à simplement au support papier. En tout cas, pas simplement à son mode de fonctionnement actuel. Il y a un nouveau modèle de littérature. Mais vous appelez éventuellement à être subventionné aussi? C'est-à-dire, est-ce que vous aimeriez être intégré dans cette logique pour pouvoir être soutenu dans votre démarche? Parce que vous faites à part entière partie du monde de l'édition, alors que vous n'êtes pas reconnu par l'ancien système? Eh bien non, on n'est pas reconnu par l'ancien système. D'où l'exclusion de subventions, etc. Exactement, oui. On n'a droit à aucune subvention. L'édition en ligne n'a droit à aucune subvention au Québec. Ça a été ce que j'ai travaillé pour le rapport avec Guylaine Baudry pour l'ANEL en juillet 2007, et c'est ce qui a été constaté, c'est que le monde du numérique n'a pas été vraiment, ou n'était pas encore jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, reconnu beaucoup. Est-ce que vous pensez que depuis le nombre d'années que vous militez là, dans ce domaine-là, est-ce que vous pensez, vous avez perçu une évolution, ou est-ce que vous êtes toujours rejeté comme cyber-éditeur et qu'il y a une sorte de... Ou alors, tout simplement, il y a des marchés qui se partagent? Non, il n'y a pas de marché qui se partage. Ces gens-là ne voient pas le marché que dans lequel nous, on est comme étant un marché littéraire qui apporte des nouveaux lecteurs, etc. Ils ne nous voient pas comme ça. Il n'y a pas de contact direct non plus entre le monde traditionnel du livre et notre maison d'édition, même si effectivement on est la seule dans ce domaine au Québec. Lorsqu'il y a une étude de marché sur le monde numérique et le livre, on ne nous consulte pas non plus. On vient pas s'enquérir de notre expérience, mais on dit des choses qui sont tout à fait grossières et à la limite révoltantes. Alors que justement vous aviez plusieurs années d'expérience et que vous pourriez justement dire des choses qui sont plus vrais de la réalité que des intellectuels qui réfléchissent sur quelque chose qu'ils ne connaissent pas, quoi. Oui, parce que nous le vivons à chaque jour. Voilà, nous recevons des manuscrits à chaque jour, à chaque semaine. Bien sûr. Alors, on travaille avec des auteurs qui nous demandent quelle est la différence entre l'édition traditionnelle, l'édition en ligne, comment etc. Comment expliquer ce rejet? C'est quand même assez particulier. Est-ce que ça vient une sorte de crispation autour de support ou je vous dis, on parlait tout à l'heure de corporatisme syndical, je ne sais pas. Ben moi, personnellement, je crois que c'est du corporatisme. Ça a été aussi longtemps que cette industrie et ses composantes n'ont pas été ouvertes, nous n'ont même pas répondu à notre lettre de demande d'appui en 2003. D'abord, c'est un manque de politesse face à nous. Aujourd'hui, on nous reproche d'être un peu révoltés, mais leur attitude était révoltante. Leur attitude de fermeture, leur attitude de, avant même de parler de nous, il aurait été intelligent de nous rencontrer. Alors justement, je vais juste, ma connaissance du marché de l'industrie graphique permet aussi de prendre du recul sur ce que vous dites, mais vous savez qu'on a vécu les mêmes choses dans l'imprimerie au niveau de l'offset, puisque les offsetistes n'ont jamais été reconnus par les typographes. Et ça a été une des raisons pour lesquelles, au Québec, le comité paritaire a été supprimé en 72 grâce à l'Association des arts graphiques, d'ailleurs, et que les comités sectoriels ont été créés en 96 suite à la disparition, parce que, justement, au départ, c'est Mme Lagadec, dans ce cas-là, qui était la secrétaire générale de cette association, qui m'avait expliqué que les typographes ne reconnaissaient pas l'offset. C'était un des problèmes, d'ailleurs, parce que la reprographie aussi a été rejetée par l'offset. Et on voit à chaque fois, toute l'histoire de l'imprimerie, c'est toujours un rejet d'anciens systèmes par les nouveaux, etc. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que ne s'aperçoivent-ils pas que ce que vous... Enfin, la Fondation littéraire Fleur de Lys n'est-il pas... donc, on parle de cyber-éditeur. N'est-il pas un système qui se met en place et qui va éventuellement les remplacer? Est-ce qu'ils ne s'aperçoivent pas qu'ils sont en train de peut-être de creuser leur propre tombe? Ben, je ne crois pas qu'on va les remplacer parce que moi, j'ai toujours perçu l'édition en ligne, la cyber-édition, comme étant complémentaire à l'édition traditionnelle. Ouais, c'est ce qu'on dit au début, oui. Comme l'offset le disait au début à la typographie, mais l'offset a remplacé la typographie. Mais je le vis vraiment comme ça. Et je l'applique à chaque jour comme ça. C'est-à-dire qu'un auteur qui, pour moi, rêve d'aller en librairie, il ne doit pas passer par chez nous. Parce que dans notre... donner un exemple très concret. Dans notre contrat d'édition, un auteur... peut rompre ce dernier s'il trouve un éditeur traditionnel pour son livre qui va réaliser son rêve de le distribuer en librairie. Alors, il y a ça en tout temps. Et c'est arrivé à quelques reprises, on avait édité un livre, l'auteur avait continué ses recherches d'un éditeur traditionnel, donc il était toujours titulaire de ses droits d'auteur parce que nous, dans notre contrat, on ne demande pas à l'auteur de nous céder ses droits, ce qui lui permet effectivement de faire cette recherche d'un nouvel éditeur traditionnel. Et est-ce que vous touchez quand même un pourcentage sur la vente? Bien sûr, on touche un pourcentage et c'est une licence que l'auteur nous accorde, une licence d'édition. Alors, il conserve ses droits. Étant donné que dans l'industrie traditionnelle du livre, on exige que l'auteur cède ses droits pour l'édition. Donc, comme il les possède toujours, il peut poursuivre sa recherche d'un éditeur traditionnel. Et c'est arrivé à quelques reprises qu'on a été le tremplin vers l'édition traditionnelle de certaines personnes. Donc, ça veut dire quelque part que l'Internet peut autant servir le papier que l'inverse, que le papier peut être aussi un outil par rapport à aller vers le web, quoi. En fait, le papier, ce qu'il faut dire, c'est que l'Internet peut aussi bien servir l'industrie traditionnelle. C'est ça, c'est ça. On a eu le cas du Devoir récemment, qui a augmenté ses tirages avec une stratégie marketing autour du web, quoi. Exactement. Et dans ce sens-là, on est complémentaire à l'industrie du livre traditionnel. Et eux, ils ne le voient pas comme ça, je pense. Je pense qu'ils le voient vraiment comme un danger, une compétition. Donc, c'est plutôt une peur, c'est ça? Ils ont peur de... C'est une peur, c'est de ne pas vouloir probablement partager la tarte des subventions avec les cyber-éditeurs parce que s'il y avait une ouverture du gouvernement pour un programme d'aide à la cyber-édition, effectivement, je crois qu'il y a plusieurs Québécois qui se lanceraient dans le domaine parce qu'ils le vivent à chaque jour. Nous, on n'édite pas tous les Québécois qui se retrouvent sur Internet. Il y a Lulu.com aux États-Unis. Il y a une panoplie d'autres maisons d'édition ligne en Europe. Vous soulignez quand même que vous faites aussi bien que Lulu.com. Ça, c'est... On fait beaucoup mieux que Lulu.com. Et on fait même beaucoup mieux que Lulu.com. Mais ce marché-là est en train de nous échapper. Bien sûr. Quand une industrie décide que telle ou telle alternative, elle ne la recommandera pas, bien... Sachant que vous avez commencé en 2003, on est en 2009, ça fait effectivement plus de 6 ans que le marché est en train de vivre sans le Québec, on va dire. C'est-à-dire que la dernière trouvaille pour expliquer ce qui se passe, c'est qu'il y a effectivement une fracture littéraire. Qui se produit au sein de la population. Et je parle de la population autant des auteurs que des lecteurs. Mm-hmm. Alors, il y a une fracture littéraire. Il y a de plus en plus de livres qui ne prennent pas le chemin de l'industrie traditionnelle du livre et qui connaissent un succès sur Internet. Et par l'impression... Un peu comme Susan Ball dans la chanson, c'est-à-dire... Exactement. La même chose. C'est incroyable, oui. Il y a là une possibilité qui fait peur quand on parle de démocratisation de l'accès à l'édition, alors qu'en Europe, au Conseil de l'Europe, ça a été le leitmotiv des parlementaires européens, des ministres européens de la culture, que de permettre cette démocratisation de l'accès à l'édition pour assurer une diversité culturelle plus grande, pour assurer une politique éditoriale beaucoup plus large. Si on prend l'exemple d'un pays comme la Hongrie, on parle le hongrois. Alors, le hongrois n'est pas une langue très répandue dans le monde. Hein? Il y a à peu près qu'en Hongrie qu'on parle le hongrois. Avec l'édition traditionnelle, ils sont, je pense, 9 à 10 millions d'habitants en Hongrie. Avec l'édition traditionnelle, ils ont un marché limité. Comme ici, au Québec, il y a un marché limité, malgré que la langue française est exportable, ce qui n'est pas beaucoup le cas du hongrois. Alors, en Hongrie, quand le Conseil de l'Europe s'est penché sur les nouvelles technologies en rapport avec l'édition, l'impression à la demande, la cyberédition, ils ont dit, eh bien, c'est le temps de doter la Hongrie d'une maison d'édition en ligne sur Internet qui va pouvoir assurer, uniquement un 10% de publication des manuscrits de nos auteurs hongrois, mais beaucoup plus large par rapport, comme je l'expliquais, expliquait aux critères de sélection qui sont plus larges sur Internet. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ça la beauté de l'affaire. On a donc démocratisé l'accès à l'édition, on a assuré une diversité éditoriale beaucoup plus large. Et c'est un succès en Hongrie. Mm-hmm. C'est la même chose en Suède, c'est la même chose en Finlande. Pourquoi pas au Québec, c'est ça. Et pourquoi pas au Québec. En plus, il y a la francophonie, donc on pourrait. Il y a le marché qui est africain, libanais, suisse, belge, enfin. Exactement. Français, C'est de chez nous que devrait venir le projet Éditeur sans frontières. Ah, c'est bon ça. Bah, on lance sur les ondes, tiens. Éditeur sans frontières. Bah, on crée une. Comme il y a pharmacien sans frontières, ou médecin sans frontières, éditeur sans frontières. C'est bon ça. Exactement, parce qu'on reçoit beaucoup de demandes de l'Afrique francophone. Mm-hmm. Ce qui fait l'attrait principal de la Fondation littéraire Fleur de Lys, c'est que l'auteur conserve ses droits d'auteur. Mm-hmm. Alors, il ne les cède pas. Et ça, ça me paraît fondamental, parce que c'est justement la crise du numérique, c'était de savoir. Et les échecs des différentes expériences et la propriété intellectuelle, comment conserver ses droits et éventuellement en vivre, parce que là, il y a le lien entre, d'une part, conserver ses droits, mais aussi en vivre. Ça, ouais. Bah, il ne faut pas se leurrer, au Québec, il y a environ 200 personnes qui vivent de leurs écrits. C'est ça, c'est ce que vous disiez, oui. Alors. Marie Laberge est une de celles dont vous me parliez, qui utilise beaucoup Internet, elle vit de son œuvre, par exemple. C'est-à-dire que Marie Laberge vient de se lancer dans un projet qui est numérique. Elle a décidé de publier un livre sous forme de feuilleton auquel on s'abonne, qu'on reçoit par courriel à la maison. Mm-hmm. Et il semble que l'expérience ait plus de 34 000 abonnés à venir jusqu'à ce jour, ce qui est un très bon succès. Mais Marie Laberge, c'est une des auteurs les plus populaires au Québec. C'est parmi les 10 auteurs les plus populaires. Alors, son succès a été très bien. Malheureusement, on sait que Stephen King s'était cassé la margoulette lorsqu'il a essayé la première fois. Mais Marie Laberge a réussi avec un grand succès. Maintenant, Stephen King est devenu un fan du Kindle. Hein. Il lit ses œuvres sur Kindle. Enfin. Oui, il en fait la publicité, c'est effectivement. C'est ça. Mais dans le monde fermé dans lequel on est au niveau de la littérature au Québec, il y a un sérieux problème d'ouverture. On va faire une deuxième pause et on revient là-dessus justement sur le problème de l'ouverture. Radio Shalom, Radio Shalom, Radio Shalom, Radio Shalom. Arrêt sur Média, un média qui parle des médias sur Radio Shalom Montréal au 1650 AM ou sur internet au www.radio-shalom.ca avec Éric Leray et Edmond Silbert. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour, vous êtes sur Arrêt sur Média, un média qui parle des médias, une émission d'information sur les professionnels et les industries de la communication et de l'information. Vous pouvez nous joindre sur Radio Shalom au 1650 AM ou sur internet au www.radio-shalom.ca. lors de la diffusion de l'émission ou grâce aux archives de l'émission. Alors, après avoir reçu Pascal Beauchesne de Robert ne veut pas lire, donc une maison d'édition sur le numérique, on reçoit aujourd'hui donc, un cyber-éditeur, donc on va le dire, Fondation littéraire Fleur de Lys, donc dirigée par Serge André Guay, président éditeur, donc un éditeur libraire en ligne sur Internet, mais aussi avec impression à la demande. Donc ça veut dire autant donc, le numérique, électronique ou le papier. Alors, justement, par rapport à l'ouverture, on a parlé de la difficulté par rapport au corporatisme, certains syndicats au Québec, mais y a-t-il aussi un problème d'ouverture, ou au contraire, c'est là où on trouve plus grande ouverture, des gens du quotidien, enfin, vous parlez des auteurs, mais enfin, le public que vous rencontrez en général, est-ce que vous avez constaté une fermeture, ou au contraire, une ouverture d'esprit, d'état d'esprit? Non, l'ouverture de la population est très grande face à l'édition en ligne, face aux librairies en ligne. D'abord, les librairies en ligne ont un avantage marqué sur les librairies traditionnelles, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de tablette limitée. La tablette en ligne peut s'allonger indéfiniment, donc on trouve, quand on bookine sur Internet dans les librairies en ligne, telle Amazon par exemple, on trouve tous les titres. Impossible, ce qu'on ne pourrait pas trouver dans les librairies traditionnelles. Mais il semble qu'il y ait un problème avec les libraires au Québec, puisque l'Association des libraires du Québec semble créer des formations actuellement pour sensibiliser les libraires à l'utilisation d'Internet dans leur marketing ou pratique commerciale. Est-ce que ça veut dire que vous êtes vraiment en avance, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de libraires au Québec qui ne savent pas encore utiliser Internet? Alors, n'en parlons pas de la numérisation. Non, c'est vrai, c'est une situation qui la crainte de départ, parce que la crainte de départ a fait qu'on a pris du retard. Bon, l'avantage quand on est en retard et qu'on veut le reprendre, c'est qu'on a, on peut éviter les erreurs que les autres ont commises. Mais encore là, à cela, il faut être très bien branché, il faut très bien savoir quels sont les pièges à éviter. Je ne suis pas sûr qu'à l'heure actuelle, les librairies indépendantes savent où aller en ce qui concerne l'Internet. Et qu'est-ce que vous leur conseillez dans ce cas-là? D'être l'intermédiaire entre la population et l'achat en ligne. Parce qu'au Québec, il y a une résistance marquée des citoyens à acheter en ligne avec leur carte de crédit. Alors, je ferai appel aux auditeurs. Dont je vous conseille d'aller voir Cefrio, par exemple, qui est une organisme qui fait régulièrement une enquête sur l'utilisation d'Internet par les Québécois. Et je crois qu'on est autour de 70 à 75% aujourd'hui, hein. Donc ça devient quelque chose d'assez connu. Alors est-ce que ça a un impact justement dans le domaine de la librairie, de l'édite, et est-ce que les gens achètent de plus en plus, vous qui avez quelques années d'expérience sur Internet, ou il y a encore ce frein? Ben moi je crois qu'il y a encore ce frein au sein d'une partie trop importante de la population. Ce qu'il faut dire, c'est que le livre, c'est le produit culturel le plus vendu sur Internet, avant même la musique. Amazon, l'année dernière, a vendu plus de livres que toutes les librairies traditionnelles américaines réunies. Ouais, je crois qu'ils ont 90% du marché. Alors il y a là un certain avenir. Il y a beaucoup de Québécois qui magasinent sur Amazon. On sait qu'il y a une version canadienne-française d'Amazon. Et dans ce sens-là, effectivement, les libraires traditionnels pourraient servir de point de vente pour les acheteurs québécois qui ont vu tel ou tel livre en ligne, en exclusivité, et dire, bon, ben, venez chez nous, si vous voyez un livre sur Internet, nous ferons la transaction pour vous, nous ferons le suivi, nous vous livrerons le livre en main propre. Chez nous, ça se passe. Il y a quelques librairies traditionnelles qui, effectivement, répondent à la demande de leurs clients. Quand le client arrive et dit « Moi, j'ai vu tel livre sur Internet ou tel de mes amis a édité un livre sur Internet, est-ce que vous pouvez me le faire venir? » Effectivement, les libraires, à ce moment-là, nous communiquent avec nous et placent leurs commandes. Sauf que nous n'accordons pas au libraire, dans ce cas-là, un 40%. Nous lui accordons 15%. Pourquoi cette réduction pour le modèle économique? J'allais vous poser la question. Pourquoi cette réduction? C'est très simple. C'est que 40%, oui, pour le livre que le libraire a à gérer dans son entrepôt, a à gérer dans son inventaire, a à gérer sur ses tablettes. Mais dans le cas d'une commande sur Internet, il n'a absolument rien à gérer d'autre qu'à la transaction commerciale. Il reçoit le livre et c'est fini. Alors justement, est-ce qu'on peut creuser un petit peu justement par rapport à la fabrication d'un livre sous forme papier et numérique? Quelles sont les tâches qui disparaissent? Et quels sont les coûts donc qui disparaissent et qui donc devraient ne pas voir apparaître? Parce que vous aviez évoqué éventuellement qu'on pourrait vendre un livre sur Internet à 10 ou 20% du prix qu'on le vend aujourd'hui sur le format analogique. Mais est-ce que les libraires ou les éditeurs conservent ce prix ou au contraire on voit encore des... Et ça, ça semblait important pour vous, puisque vous dites qu'en fait, les libraires, s'ils continuent à avoir ce genre de tarification à leur consistance numérique, on va à la catastrophe. Eh bien, actuellement, les libraires ne vendent pas d'exemplaires numériques, alors c'est pas un problème. Par contre, les éditeurs en vendent maintenant. Okay. Avec l'entrepôt numérique, on peut vendre directement des exemplaires numériques. Quand on a fait notre étude de marché en 2002, on apprenait à cette époque-là que la production d'un livre numérique, un fichier PDF par exemple, ou EPUB par exemple, ce qui n'était pas le cas à l'époque, ce n'était pas encore arrivé, mais un fichier PDF, ça coûtait 10% de la production, du coût de production d'un livre papier. Alors aujourd'hui, les gens se plaignent du coût élevé des exemplaires numériques des livres qu'ils trouvent, parce qu'effectivement, il y a des gens qui n'offrent qu'une réduction de 25% par rapport au prix papier. Alors, vous payez une trentaine de dollars pour l'exemplaire papier et vous allez payer 24-25 $ pour l'exemplaire numérique. C'est beaucoup trop dispendieux. Je dirais pas que c'est du vol, mais c'est une très mauvaise perception du marché et les consommateurs n'hésiteront pas à le dire. En revanche, il y en a beaucoup qui peuvent garder silence et tout simplement dire « Ah, moi, à ce prix-là, ça ne m'intéresse plus le numérique » et balancer tout le secteur. Oui, donc le risque, ce serait de brûler le marché. Oui, d'essayer, et puis de dire, on va passer à autre chose. Ou alors être dépendant d'Amazon, enfin d'acteurs extérieurs au marché québécois. Exact. Et dans ce contexte-là, quand on parle de l'édition numérique, vous savez que l'édition numérique, c'est une impression, hein? C'est une commande d'impression numérique que l'on place. Tout le travail qui précède est le même. Tout le travail de l'éditeur qui, jusqu'à l'impression est le même. C'est bien entendu que dans le numérique, il n'y a pas de séparation de couleurs à faire à l'imprimerie. C'est simplement l'acte de l'imprimerie qui change dans la version numérique. Et dans ce sens-là, effectivement, un des plus gros coûts de la production d'un livre, c'est son impression. Et si on réduit à faire un PDF avec un livre de 500 pages avec quelques photos, ça va prendre un maximum de 5 minutes à produire le fichier PDF, signé compris, 5 minutes. Ils vont attirer aussi. Alors, pourquoi est-ce qu'on chargerait le même prix ou d'offrir seulement une réduction de 25%? À mon avis, c'est un modèle économique qui ne fonctionnera pas à ce prix-là. Ouais, alors, il faut être réaliste, le coût de l'impression papier, c'est très élevé, c'est une production qui est dispendieuse et il y a toute la gestion de cet entrepôt, de ces tirages qu'on fait, hein, il faut les entreposer, oui, les distribuer, il y a les retours, etc. Il y a tout cela. Ben, avec le numérique, on n'a pas ce problème-là. On produit un exemplaire et on le met en téléchargement. Alors, on vient de savoir 75% du prix d'un livre papier. Est-ce qu'éventuellement, il y a des solutions techniques pour la sécurité? C'est-à-dire qu'on peut, comme les licences, un peu, vous savez, quand on télécharge un logiciel, on a le droit à 2-3 licences. Est-ce que là, il y a des systèmes de sécurité qui permettent justement de conserver, de ne pas se faire pirater, enfin de... Oui, il y a des systèmes, je pense qu'il y a effectivement des systèmes de sécurité qu'on peut accompagner, nous, sur le PDF, entre autres. Nous, à la Fondation littéraire Fleur de Lys, on attend encore que les modèles de fichiers numériques pour les livres se développent et se stabilisent avant d'abandonner le PDF. Nous sommes en PDF. Macintosh va sortir son propre lecteur électronique d'ici quelques semaines. Branché sur le PDF, hein, exclusivement. Exact. Alors, nous, on est resté à cette formule qui est plus simple, plus claire. À quelques sous près plus économiques. Mais effectivement, tant que le marché ne se sera pas stabilisé, on ne pourra pas se tourner vers autre chose. Si autre chose, il doit y avoir, par exemple, comme le e-pub, où moi, je vois que ce fameux papier virtuel, c'est en fait du mimétisme du livre papier. On essaie d'imiter le livre papier. Est-ce que c'est cela que le lecteur veut vraiment? Ben, au début, c'est tout nouveau média, copie l'ancien. On l'a vu à Gutenberg lorsque c'est aimé. Bon, on a mis 50 ans avant de voir l'imprimer. Au départ, ils copiaient le calligraphe parce qu'il y avait là aussi le corporatisme tel que vous dénoncez aujourd'hui. C'est marrant comme quoi l'histoire peut nous apprendre des choses. La corporation, imaginez le nombre de calligraphes qu'il y avait, donc les maîtres d'écriture, ce qu'on appelle, ils étaient majoritaires. Donc l'imprimeur, quand ils sont arrivés, les premiers compagnons de Gutenberg, ils n'avaient pas beaucoup de place au niveau de leur pouvoir. Et donc ils étaient obligés de copier l'écriture. Et donc de cette expérience, on peut dire, et ça on le voit avec le papyrus par rapport au parchemin, etc., qu'à chaque nouveau média copie l'ancien quelque temps avant de prendre son autonomie. Alors effectivement, c'est pas forcément ce que recherche le lecteur, mais il y a une dimension d'adaptation dans le temps. Ce qui change, c'est qu'on va pas attendre 500 ou 600 ans le changement du modèle Gutenberg à la rotative et aujourd'hui donc à Internet. Donc ça prendra que quelques années. Ce qui explique d'ailleurs que dans l'impression numérique, il y a des études qui sont faites. On considère que d'ici 2020, plus de 50% du marché sera donc accaparé par l'impression numérique, donc l'impression à la demande, ce qui fait que l'offset éventuellement va perdre du marché. Donc pour revenir au problème du livre, vous parliez éventuellement de l'expérience numérique. Est-ce que Robert ne veut pas lire? Qui existe depuis un an et demi, qui semble-t-il se positionne par rapport à Machine numérique. Est-ce que ça a été une expérience intéressante pour vous dans votre expérience d'éditeur cybernétique? Est-ce que ça a été marquant ou au contraire, ça fait partie de vos... Enfin, vous faites la même chose, quoi, on va dire. Eh bien, Robert ne veut pas lire, se spécialise sur l'édition de livres lisibles sur portable, sur appareil portable. Oui, c'est ça, d'où la question, parce que ça revient à ce que vous disiez, on voit apparaître tout un tas d'interfaces. Nous, comme j'ai dit, en ce qui concerne le numérique, oui, à tous les lecteurs, si possible, mais notre format de base encore demeure le PDF. Mais laissez-moi revenir sur un point. Oui. Vous dites qu'effectivement, tout nouveau média est porté à copier l'ancien dans les premières expériences. Mm-hmm. Au niveau historique, ça semble sans conséquence, ça semble un fait observable, tout simplement. Mm-hmm. Mais quand on vit dans une industrie qui est subventionnée, oui. Perd de l'argent. Tout à fait. Oui. Alors, ça fait depuis... L'observation historique ne mentionne pas les subventions. C'est ça. Alors, au Québec, je peux vous dire que depuis l'an 2000, le ministère de la Culture a investi dans l'ouverture vers le numérique, okay. Et que cet argent est aujourd'hui perdu. Est-ce que... On peut savoir combien ils ont investi? Il y a au moins 100 000 $ qui a été investi et perdu dans un site Internet pour les librairies indépendantes qui n'a pas vu le jour, c'est-à-dire qui n'a pas été mis en ligne. Le site a été conçu, mais il n'a pas été mis en ligne. Apparemment, l'Association des libraires du Québec a reculé à la dernière minute, mais le ministère avait comme principe qu'effectivement, il fallait réunir les librairies indépendantes dans un site Internet, un peu comme l'ont fait les librairies indépendantes américaines face aux géants Amazon. Alors, la première tentative a été une perte totale. La deuxième tentative, là, livrequébécois.com, ne semble pas être un grand succès. Parce et pourquoi? Ça devient de quoi? Il y a une méconnaissance de l'Internet. Hein? Ils ne sont pas venus non plus vous consulter. Non, quand vous tentez de copier quelque chose, et c'est le défaut au Québec, on importe souvent de très bonnes idées, on importe souvent de très beaux, de très belles perspectives d'avenir, mais j'ai l'impression que souvent on oublie l'âme même qui l'esprit même derrière le projet. Alors, le site ne reçoit pas beaucoup de visites, nécessairement, ne doit pas avoir nécessairement beaucoup de ventes, hein, pas de visites, pas de ventes, plus c'est vu, plus c'est vendu, et là, il y a un problème de référencement de ce site. Est-ce que les librairies indépendantes ont des affiches dans leurs magasins pour annoncer ce nouveau site? Oui, oui. Probablement pas, parce qu'ils le voient probablement comme un compétiteur. Ah oui, okay. Alors, je ne sais pas trop. Votre expérience montre que ça peut être au contraire au service de leur propre publication. Exactement, exactement. Puis l'UNEC vient d'abandonner, l'Union des écrivaines et des écrivains québécois vient d'abandonner son projet de portail du livre. J'en suis très heureux qu'il l'ait abandonné parce que je ne crois pas que l'UNEC a les connaissances nécessaires pour engager une personne ou une firme de spécialisée pour faire un tel portail. D'autant plus que, d'après ce qu'on peut lire dans un de leurs bulletins d'information aux membres, ce portail, c'était dans le fond un très grand centre d'achat. Alors, un portail d'information, c'est pas du tout un centre d'achat. C'est d'abord un portail d'information. Alors, ils ont présenté ça aux autres intervenants de la chaîne du livre comme étant un investissement rentable sur quelques années. Non, un portail du livre, c'est pas un investissement rentable sur quelques années. Un portail du livre, c'est d'abord un projet qui doit venir du gouvernement parce que c'est ce qui donne l'image officielle de la littérature de chez nous. Malheureusement pour le gouvernement du Québec, quand on va sur le ministère de la Culture, la présentation de la littérature québécoise se résume à la présentation de l'industrie du livre. Okay. Alors, il y a confusion entre l'industrie du livre et littérature, et ensuite, il y a une méconnaissance presque automatique de l'Internet, des nouvelles technologies, parce qu'on ne se tient pas là. On ne se tient pas dans les milieux où cette information est disponible. On va faire une dernière pause et on va conclure sur ce propos-là. Ça me paraît aussi important parce que à savoir si la subvention n'est pas à l'origine aussi, enfin la cause d'un retard, on va dire, éventuellement. On revient là-dessus. Arrêt sur Média, un média qui parle des médias sur Radio Shalom Montréal au 1650 AM ou sur internet au www.radio-shalom.ca avec Éric Leray et Edmond Silbert. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Vous êtes sur Arrêt sur Média, un média qui parle des médias, une émission d'information sur les professionnels et les industries de la communication et de l'information. Vous pouvez nous joindre sur Radio Shalom au 1650 AM ou sur internet au www.radio-shalom.ca lors de la diffusion de l'émission ou grâce aux archives de l'émission. Après avoir reçu Pascal Beauchesne de Robert ne veut pas lire, on reçoit avec plaisir aujourd'hui donc Serge André Guay, président éditeur de, on va dire, le cyber éditeur Fondation littéraire Fleur de Lys, éditeur libraire en ligne sur Internet, mais aussi avec impression à la demande, donc autant sur l'électronique que sur l'imprimé. Alors, la question que je posais donc avant cette pause, c'est de savoir si ce que vous dénoncez, c'est-à-dire ce retard, en fait, n'est pas lié. On parlait de modèles historiques là, qui étaient perceptibles, mais sans tenir compte de subventions, est-ce que la subvention ne vient pas, en fait, comme une sorte de bruit culturel, vient perturber, en fait, un processus naturel qui est lié à la concurrence, qui est lié à l'évolution d'un marché, et qui, au contraire, fait que les corporations vivent dans un monde qui est protégé et qui les empêche d'être confrontés, comme vous, quotidiennement, à la réalité de ce marché qui a besoin quand même d'être constamment en une sorte de veille technologique constante et quotidienne, quoi. Oui, mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment la subvention comme telle. J'en serais peiné d'accuser ou de constater, en tout cas, que les subventions sont à l'origine de ce problème-là. Moi, je pense que c'est plutôt un manque d'entrepreneurship au sein de... Okay. Donc c'est plutôt un état d'esprit, en fait. Hein? C'est un état d'esprit ouvert qui n'est pas là. Le milieu littéraire est, par définition, au Québec, un milieu fermé, refermé sur lui-même, qui vit en vase clos. On connaît les auteurs, mais on ne connaît pas le monde de l'édition, on ne connaît pas le monde de l'imprimerie, on ne connaît pas le monde des libraires, si ce n'est qu'on rend visite à sa librairie, mais on ne connaît pas le milieu. C'est un milieu qui est refermé sur lui-même. Malheureusement, la porte qu'on essaie d'ouvrir sur le monde, c'est celle de l'auteur et de son livre. On veut vendre. Mais on ne veut pas nécessairement faire comprendre à la population cette industrie. Mais est-ce que ces gens de métier, ils communiquent pas sur eux, c'est ça le problème, non? Ils communiquent pas dans le sens... Est-ce qu'ils ont-ils une démarche d'aller vers les autres, d'aller vers les citoyens? Non, c'est pas une habitude. C'est non, ça? Non. Et pourquoi non, ça non. tient à ça? Il y a une sorte d'élitisme ou quoi? Je sais pas si c'est une sorte d'élitisme, mais je peux vous dire que c'est un milieu fermé. C'est le constat que moi je fais. C'est le constat que de nombreux nouveaux auteurs font. Beaucoup d'auteurs qui veulent être édités, mais qui ne connaissent absolument rien du milieu de l'édition. Et je vous dirais même qu'au sein du ministère de la Culture, dans certains services, on ne connaît pas non plus, même si on est agent de développement culturel, on ne connaît même pas le fonctionnement de l'édition. Et quelle est votre opinion là-dessus? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer ça? C'est pratiquement les travaux d'Hercule, là. Ben, je vous dirais que moi, j'ai essayé. Je me suis proposé, je les ai critiqués de façon constructive pendant un certain temps. Maintenant, je me retrouve l'autre côté de la rive. Est-ce qu'il y a eu, on peut dire que vous avez été un peu rejeté aussi parce que justement vous étiez trop à les attirer vers un secteur qu'ils connaissent mal et et c'est quelque chose. J'ai été beaucoup trop critique pour eux autres. C'est oui, ça, c'est un milieu où c'est un milieu d'image. Hein? Alors, tout est une question d'image. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière cette image, mais tout est une question d'image. Alors, c'est un milieu qui a très mal réagi à la critique de leur retard, la critique de leur attitude, la critique de leur comportement, la critique du manque de respect, du manque d'ouverture d'esprit pour le Québec lui-même. Ces gens-là disent travailler pour la littérature du Québec lui-même, la grande littérature du Québec, mais dans le fond, ce sont des industriels et il ne faut pas l'oublier, là. Oui, mais est-ce que en fait, comme le problème des fonctionnaires, c'est qu'ils ne servent pas d'abord leur propre intérêt et donc ils essayent d'abord de survivre eux-mêmes avant d'aider faire survivre la littérature québécoise. Enfin, mais moi, je vous dirais qu'au niveau des fonctionnaires, il y a des fonctionnaires qui ont le temps de faire la recherche, qui sont beaucoup mieux informés qu'on le pense de toutes les perspectives d'avenir du livre. Okay. Mais comme il n'y a aucune volonté politique vers ça, donc là, vous attaquez plusieurs échelons. Donc, il y a d'abord le relais politique qui est le premier, c'est-à-dire au niveau du premier ministre. L'édition en ligne n'est pas une priorité pour les ministres. Pourtant, il me semblait qu'il y avait Québec Inc., enfin, il y avait Parizeau qui avait lancé le programme numérique, tout ça. Là, il y avait, enfin, peu importe les gouvernements, là, je veux dire, il y a eu quand même des choses de fait, mais est-ce que ça a eu un impact sur le monde du livre? Non, d'après vous, non. Non, il n'y a pas eu d'impact sur le monde du livre. Les fonctionnaires qui ont essayé ont réussi à convaincre certains politiciens du mérite de la réalisation de certains projets. La Grande Bibliothèque du Québec, quand même. Enfin, est-ce que là, c'est pas une réalisation intéressante pour le monde du livre? On parle de la bibliothèque, bien sûr, mais enfin, c'est quand même un impact sur le monde du livre, non? Oui, mais ça, est-ce que vous avez senti c'était pour reprendre un retard épouvantable. Ouais, c'est hein. ça. C'était d'abord une bâtisse, hein, et on avait besoin. Mais la grande bibliothèque, bien sûr, comme toutes les grandes bibliothèques à travers le monde, contribuent au rayonnement de la littérature, à la protection de la littérature. Il y a des auteurs, il y a des livres qu'on retrouve là qu'on ne retrouvera jamais aussi en librairie. Et est-ce que c'est un moteur, justement, dans le problème de numérisation? Ils sont venus vous consulter aussi, au contraire, là non plus, vous n'avez pas été... Ils ont appuyé le projet dans une lettre qui est publiée et disponible sur notre site internet et ils ont refusé qu'on publie cette lettre. Ah. C'est curieux. Ils ont écrit une lettre. Ouais. Ah oui, le conservateur en chef de la Grande Bibliothèque a écrit une lettre d'appui au projet, reconnaissant le besoin et reconnaissant que notre projet allait combler ce besoin. Pourtant, il y a plein de colloques qui sont faits depuis... Mais ici, on parle à peu près uniquement de numérisation. Ouais. Ça comprend pas l'édition, ça, là. La numérisation, c'est pas de l'édition. Hein? C'est pas seulement de l'édition, voilà, on va dire. En tout cas, ici au Québec, on parle de numériser. Là, c'est comme si on parlait d'un scanner, puis c'est tout, là. Mm-hmm. Hein? Dans ce sens-là. C'est comme une photocopieuse, quoi. On parle de photocopie numérique, là. C'est tout. Alors, on va pas plus loin que ça pour l'instant. On parle pas de démocratisation d'accès à l'édition. C'est pas de cela dont il est question. Il y a tout le problème d'archivage, toute la numérisation des archives. Ça pose énormes problèmes au niveau des entrepôts par rapport à, je sais pas moi, à la mémoire d'une société comme le Parlement du Québec. Enfin, il y a tout un tas d'impacts énormes. Hein, Oui, mais ça, c'est un beau problème parce que la technologie est là pour y répondre. Il faut, comme vous dites, il faut la volonté politique. Il faut de la volonté politique, il faut être tourné vers l'avenir. Il y a un changement d'état d'esprit, c'est ça? Il faut un changement d'état d'esprit, il faut être indépendant. Il va falloir, je pense, au Québec, que si on veut développer ces nouvelles perspectives du livre, il va falloir que le gouvernement accepte qu'il y ait fracture littéraire. On va finir là-dessus, malheureusement, et on va finir par un hommage à vous et votre combat depuis tant d'années, puisque vous êtes quand même. Donc, je rappelle que vous êtes Serge André Guay, président éditeur du Cyber, éditeur Fondation Littéraire Folle de Lys, éditeur libraire en ligne sur Internet avec impression à la demande. Donc, le site Internet, on va le rappeler aux auditeurs, s'ils veulent. Vous pouvez rappeler votre site Internet? Oui, manuscritdépôt.com. Manuscritdépôt.com, c'est à 3W, manuscritdépôt.com, tout ça attaché en minuscule. On rend hommage à votre combat et j'espère que notre émission aura servi aussi à diffuser vos idées, puis des idées qui sont ancrées quand même dans la réalité de votre expérience depuis 10 ans, 2003, enfin après 10 ans en tout cas. Donc on espère que les auditeurs et auditrices auront donc apprécié et puis en même temps ça leur permettra j'imagine de s'approprier aussi des langages et une autre série d'état d'esprit pour s'ouvrir au marché du numérique et éventuellement ne pas voir ça comme un ennemi par rapport à la lecture parce que c'est pas aussi simple hein. On voit que votre expérience montre que l'édition en ligne a pu être aussi a pu servir le papier comme à l'inverse hein. Bon. Voilà. Merci d'avoir passé un moment avec vous. Merci. Avec nous. Et puis, je remercie les auditeurs, auditrices pour leur attention. Kenavo, shalom. CJRS Montréal, 1650 AM, Radio Shalom. CJRS Montréal, 1650 AM, Radio Shalom.